Daniel chapitre 10. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qui était nommé Belteshazzar, et cette parole est vraie, mais le temps déterminé en est long, et il entendit la parole, et il eut intelligence dans la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus en deuil pendant 3 semaines entières. Et je ne mangeai point de pain agréable au goût, et il n'entra point de viande, ni de vin, dans ma bouche, et je ne moignis point du tout, jusqu'à ce que ces 3 semaines entières fussent accomplies. Et le 24e jour du premier mois, j'étais auprès du bord du grand fleuve, qui est Idékel. Et j'élevai mes yeux, et regardai, et voilà un homme vêtu de lin, et duquel les reins étaient ceints d'une ceinture de fin or du phase. Et son corps était comme de chrysolite, et son visage comme la splendeur d'un éclair, ses yeux étaient comme des lampes de feu, et ses bras et ses pieds comme l'éclat d'un airain poli, et le bruit de ses paroles était, comme le bruit d'une multitude de gens. Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais une grande frayeur tomba sur eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Et moi, étant laissé tout seul, je vis cette grande vision, et il ne demeura point de force en moi, aussi mon extérieur fut changé, jusqu'à être tout défait, et je ne conservais aucune vigueur. Car j'ouïs la voix de ses paroles, et sitôt que j'ouïs la voix de ses paroles, je fus accablé de sommeil, couché sur mon visage, ayant mon visage contre terre. Et voici, une main me toucha, et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme aimé de Dieu, entends les paroles que je te dis, et te tiens debout sur tes pieds, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Et quand il m'eut dit cette parole-là, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, « Ne crains point, Daniel, car dès le premier jour que tu as appliqué ton cœur à entendre, et à t'affliger en la présence de ton Dieu, tes paroles ont été exaucées, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse a résisté contre moi 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu pour m'aider, et je suis demeuré là chez les rois de Perse. Et je suis venu pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple au dernier jour, car il y a encore une vision pour ces jours-là. » Et comme il me tenait ses discours, je mis mon visage contre terre, et je me tus. Et voici, quelqu'un ayant la ressemblance d'un homme toucha mes lèvres, et ouvrant ma bouche, je parlai, et je dis à celui qui était auprès de moi, « Mon Seigneur, mes jointures se sont relâchées par cette vision, et je n'ai conservé aucune vigueur. Et comment pourra le serviteur de mon Seigneur parler avec mon Seigneur, puisque dès maintenant il n'est resté en moi aucune vigueur, et que mon souffle n'est point demeuré en moi ?» Alors celui qui ressemblait à un homme, me toucha encore, et me fortifia, et me dit, « Ne crains point, homme qui est reçu en grâce, paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi, dis-je. » Et comme il parlait avec moi, je me fortifiai, et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Et il dit, « Ne sais-tu pas pourquoi je suis venu vers toi ? Or maintenant, je m'en retournerai pour combattre contre le chef de Perse, puis je sortirai, et voici, le chef de Javan viendra. Au reste, je te déclarerai ce qui est écrit dans l'écriture de vérité, cependant il n'y en a pas un, qui tienne ferme avec moi en ces choses, sinon Michaël, votre chef. »